Voyage d'amour, deuxième partie, chapitre 4. Dans le vestibule du petit hôtel, Pierre se tenait debout, en habit et en cravate blanche, ouvrant la porte à chaque roulement de voiture. Une bouffée d'air humide entrait, un reflet jaune de la pluvieuse après-midi éclairait le vestibule étroit, empli de portières et de plantes vertes. Il était 2 heures, le jour baissait comme par une triste journée d'hiver. Mais dès que le valet poussait la porte du premier salon, une clarté vive aveuglait les invités. On avait fermé les persiennes et tiré soigneusement les rideaux, pas une lueur du ciel louche ne filtrait. Et les lampes posées sur les meubles, les bougies brûlant dans le lustre et les appliques de cristal, allumaient là une chapelle ardente. Au fond du petit salon, dont les tentures réséda éteignaient un peu l'éclat des lumières, le grand salon noir et or resplendissait, décoré comme pour le bal que Madame de Berle donnait tous les ans au mois de janvier. Cependant, des enfants commençaient à arriver, tandis que Pauline, très affairée, faisait aligner des rangées de chaises dans le salon, devant la porte de la salle à manger que l'on avait démontée et remplacée par un rideau rouge. « Papa ! » cria-t-elle, « donne donc un coup de main, nous n'arriverons jamais !» Monsieur le tellier, qui examinait le lustre, les bras derrière le dos, se hâta de donner un coup de main. Pauline elle-même transporta des chaises. Elle avait obéi à sa sœur en mettant une robe blanche. Seulement, son corsage s'ouvrait en carré, montrant sa gorge. « Là, nous y sommes, » reprit-elle. « On peut venir. Mais à quoi songe Juliette? Elle n'en finit plus d'habiller Lucien. » Justement, Madame de Berle amenait le petit marquis. Toutes les personnes présentes poussèrent des exclamations. « Oh, cet amour! Était-il assez mignon avec son habit de satin blanc broché de bouquets, son grand gilet brodé d'or et ses culottes de soie cerise ?» Son menton et ses mains délicates se noyaient dans de la dentelle. Une épée, un joujou à gros nœuds roses, battait sur sa hanche. « Allons, fais les honneurs !» lui dit sa mère en le conduisant dans la première pièce. Depuis 8 jours, il répétait sa leçon. Alors, il se campa cavalièrement sur ses petits mollets, sa tête poudrée un peu renversée, son tricorne sous le bras gauche. Et à chaque invité qui arrivait, il faisait une révérence, offrait le bras, saluait et revenait. On riait autour de lui, tant il restait grave, avec une pointe d'effronterie. Il conduisit ainsi Marguerite Tissot, une fillette de 5 ans, qui avait un délicieux costume de laitière, la boîte au lait pendue à la ceinture. Il conduisit les 2 petites Berthier, Blanche et Sophie, dont l'une était en folie et l'autre en soubrette. Il s'attaqua même à Valentine de Chermette, une grande personne de 14 ans, que sa mère habillait toujours en espagnol. Et il était si fluet qu'elle semblait le porter. Mais son embarras fut extrême devant la famille Levasseur, composée de 5 demoiselles qui se présentèrent par rang de taille. La plus jeune, âgée de 2 ans à peine, et l'aînée de 10 ans. Toutes les 5, déguisées en chaperons rouges, avaient le toquet et la robe de satin ponceau, à bande de velours noir, sur laquelle tranchait le large tablier de dentelle. Bravement, il se décida, jeta son chapeau, prit les 2 plus grandes à son bras droit et à son bras gauche, et fit son entrée dans le salon, suivi des 3 autres. On s'égaya beaucoup, sans qu'il perdît le moins du monde son bel aplomb de petit homme. Madame de Berle, pendant ce temps, querellait sa sœur dans un coin. « Est-il possible de décolleter comme cela ?»« Tiens, qu'est-ce que ça fait? Papa n'a rien dit ?» répondait tranquillement Pauline. « Et si tu veux, je vais me mettre un bouquet. » Elle cueillit une poignée de fleurs naturelles dans une jardinière et se la fourra entre les seins. Mais des dames, des mamans en grande toilette de ville, entourait Madame de Berle et la complimentait déjà sur son bal. Comme Lucien passait, sa mère ramena une boucle de ses cheveux poudrés, tandis qu'il se haussait pour lui demander « Et Jeanne ?»« Elle va venir, mon chéri. Fais bien attention de ne pas tomber. Dépêche-toi, voici la petite Guiraud. Ah, elle est en Alsacienne. » Le salon s'emplissait. Les rangées de chaises, en face du rideau rouge, se trouvaient presque toutes occupées, et un tapage de voix enfantines montait. Des garçons arrivaient par bandes. Il y avait déjà 3 arlequins, 4 polichinelles, 1 Figaro, des Tyroliens, des Écossais. Le petit Berthier était en page. Le petit Guiraud, un petit bambin de 2 ans et demi, portait son costume de Pierrot d'une façon si drôle que tout le monde l'enlevait au passage pour l'embrasser. « Voici Jeanne !» dit tout d'un coup Madame de Berle. « Oh, elle est adorable !» Un murmure avait couru. Des têtes se penchaient au milieu de légers cris. Jeanne s'était arrêtée sur le seuil du premier salon, tandis que sa mère, encore dans le vestibule, se débarrassait de son manteau. L'enfant portait un costume de japonaise, d'une singularité magnifique. La robe, brodée de fleurs et d'oiseaux bizarres, tombait jusqu'à ses petits pieds qu'elle couvrait, tandis que, au-dessous de la large ceinture, les pans écartés laissaient voir un jupon de soie verdâtre, moiré de jaune. Rien n'était d'un charme plus étrange que son visage fin, sous le haut chignon traversé de longues épingles, avec son menton et ses yeux de chèvre, minces et luisants, qui lui donnaient l'air d'une véritable fille d'Yedo, marchant dans un parfum de bain-joint et de thé. Et elle restait là, hésitante, ayant la langueur maladive d'une fleur lointaine qui rêve du pays natal. Mais derrière elle, Hélène apparut. Toutes deux, en passant brusquement du jour blafard de la rue à ce vif éclat des bougies, clignaient les paupières comme aveuglées, souriantes pourtant. Cette bouffée chaude, cette odeur du salon où dominait la violette, les étouffait un peu et rougissait leurs joues fraîches. Chaque invité, en entrant, avait le même air de surprise et d'hésitation. « Eh bien, Lucien !» dit Madame de Berle. L'enfant n'avait pas aperçu Jeanne. Il se précipita, lui prit le bras, en oubliant de faire sa révérence. Et ils étaient l'un et l'autre si délicats, si tendres, le petit marquis avec son habit à bouquet, la japonaise avec sa robe brodée de pourpre, qu'on aurait dit 2 statuettes de Saxe, finement peintes et dorées, tout d'un coup vivantes. « Tu sais, je t'attendais !» murmurait Lucien. « Ça m'embête de donner le bras, hein ? Nous restons ensemble !» Et il s'installa avec elle sur le premier rang des chaises. Il oubliait tout à fait ses devoirs de maître de maison. « Vraiment, j'étais inquiète !» répétait Juliette à Hélène. « Je craignais que Jeanne ne fût indisposée. » Hélène s'excusait. On n'en finissait jamais avec les enfants. Elle était encore debout dans un coin du salon, parmi un groupe de dames, lorsqu'elle sentit que le docteur s'avançait derrière elle. Il venait en effet d'entrer en écartant le rideau rouge, sous lequel il avait replongé la tête pour donner un dernier ordre. Mais brusquement, il s'arrêta. Il devinait, lui aussi, la jeune femme, qui pourtant ne s'était point tournée. Vêtue d'une robe de grenadine noire, elle n'avait jamais eu une beauté plus royale. Et il frissonna dans la fraîcheur qu'elle apportait du dehors et qui semblait s'exhaler de ses épaules et de ses bras, nue sous l'étoffe transparente. « Henri ne voit personne !» dit Pauline en riant. « Hé ! Bonjour, Henri !» Alors il s'approcha et salua les dames. Mademoiselle Aurélie, qui se trouvait là, le retint un instant pour lui montrer de loin un neveu à elle qu'elle avait amené. Il restait complaisamment. Hélène, sans parler, lui tendit sa main gantée de noir, qu'il n'osa serrer trop fort. « Comment, tu es là ? » s'écria Madame de Berle en reparaissant. « Je te cherche partout. Il est près de 3 heures, on pourrait commencer. »« Sans doute, dit-il, tout de suite. » À ce moment, le salon était plein. Autour de la pièce, sous la grande clarté du lustre, les parents mettaient la bordure sombre de leur toilette de ville. Des dames, rapprochant leurs sièges, formaient des sociétés à part. Des hommes, immobiles le long des murs, bouchaient les intervalles. Tandis que, à la porte du salon voisin, les redingotes, plus nombreuses, s'écrasaient et se haussaient. Toute la lumière tombait sur le petit monde tapageur qui s'agitait au milieu de la vaste pièce. Il y avait là près d'une centaine d'enfants, pêle-mêle dans la gaieté bariolée des costumes clairs, où le bleu et le rose éclataient. C'était une nappe de têtes blondes, toutes les nuances du blond, depuis la cendre fine jusqu'à l'or rouge, avec des réveils de nœuds et de fleurs, une moisson de chevelures blondes que de grands rires faisaient onduler, comme sous des brises. Parfois, dans ce fouillis de rubans et de dentelles, de soie et de velours, un visage se tournait, un nez rose, deux yeux bleus, une bouche souriante ou boudeuse qui semblait perdue. Il y en avait de pas plus aucune botte qui s'enfonçait entre des gaillards de 10 ans et que les mères cherchaient de loin sans pouvoir les retrouver. Des garçons restaient gênés, l'air bêta, à côté de fillettes en train de faire bouffer leurs jupes. D'autres se montraient déjà très entreprenants, poussant du coude des voisines qu'ils ne connaissaient pas et leur riant dans la figure. Mais les petites filles restaient les reines. Des groupes de 3 ou 4 amis se remuaient sur leurs chaises à les casser, en parlant si fort qu'on ne s'entendait plus. Tous les yeux étaient fixés sur le rideau rouge. « Attention !» dit le docteur en allant donner 3 légers coups à la porte de la salle à manger. Le rideau rouge, lentement, s'ouvrit. Et dans l'embrasure de la porte apparut un théâtre de marionnettes. Alors un silence régna. Tout d'un coup, Polichinelle jaillit de la coulisse en jetant un « couic » si féroce que le petit Guiraud y répondit par une exclamation terrifiée et charmée. C'était une de ces pièces effroyables où Polichinelle, après avoir rossé le commissaire, tue le gendarme et piétine avec une furieuse gaieté sur toutes les lois divines et humaines. À chaque coup de bâton qui fendait les têtes de bois, le parterre impitoyable poussait des rires aigus. Et les coups de pointe enfonçant les poitrines, les duels où les adversaires tapaient sur leurs crânes comme sur des courges vides, les massacres de jambes et de bras dont les personnages sortaient en marmelade, redoublaient les fusées de rires qui partaient de tous côtés sans pouvoir s'éteindre. Puis, lorsque Polichinelle scia le cou du gendarme au bord du théâtre, ce fut le comble. L'opération causa une joie si énorme que les rangées des spectateurs se bousculaient, tombant les unes sur les autres. Une petite fille de 4 ans, rose et blanche, serrait béatement ses menottes contre son cœur, tant elle trouvait ça gentil. D'autres applaudissaient, tandis que les garçons riaient, la bouche ouverte, d'un ton grave qui accompagnait les gammes flûtées des demoiselles. « S'amuse-t-ils ? » murmura le docteur. Il était revenu se placer près d'Hélène. Celle-ci s'égayait comme les enfants. Et lui, derrière elle, se grisait de l'odeur qui montait de sa chevelure. À un coup de bâton plus violent que les autres, elle se tourna pour lui dire « Vous savez que c'est très drôle !» Mais les enfants, excités, se mêlaient maintenant à la pièce. Ils donnaient la réplique aux acteurs. Une fillette, qui devait connaître le drame, expliquait ce qui allait se passer. « Tout à l'heure, il va assommer sa femme. À présent, on va le pendre !» La petite Levasseur, la dernière, celle qui avait 2 ans, cria tout d'un coup « Maman, est-ce qu'on le mettra au pain sec ?» Puis c'était des exclamations, des réflexions faites tout haut. Cependant, Hélène cherchait parmi les enfants. « Je ne vois pas Jeanne, » dit-elle. « Est-ce qu'elle s'amuse ?» Alors le docteur se pencha, avança la tête près de la sienne en murmurant « Tenez, là-bas, entre cet arlequin et cette normande, vous voyez les épingles de son chignon ? Elle rit de bien bon cœur. » Et il resta courbé, sentant sur sa joue la tiédeur du visage d'Hélène. Jusque-là, aucun aveu ne leur était échappé. Ce silence les laissait dans cette familiarité qu'un trouble vague gênait seul depuis quelque temps. Mais, au milieu de ses beaux rires en face de ses gamins, elle redevenait très enfant. Elle s'abandonnait pendant que le souffle d'Henri chauffait sa nuque. Les coups de bâton sonore lui donnaient un tressaillement qui gonflait sa gorge, et elle se tournait vers lui, les yeux luisants. « Mon Dieu, que c'est bête !» disait-elle chaque fois. « Comme il tape !» Lui, frémissant, répondait « Oh, ils ont la tête solide !» C'était tout ce que son cœur trouvait. Ils descendaient l'un et l'autre aux enfantillages. La vie peu exemplaire de Polichinelle les alanguissait. Puis, au dénouement du drame, lorsque le diable parut et qu'il y eut une suprême bataille, un égorgement général, Hélène, en se renversant, écrasa la main d'Henri posée sur le dossier de son fauteuil, tandis que le parterre de bébés, criant et battant les mains, faisait craquer les chaises d'enthousiasme. Le rideau rouge était retombé. Alors, au milieu du tapage, Pauline annonça Malignon avec sa phrase habituelle. « Ah ! Voici le beau Malignon !» Il arrivait, essoufflé en bousculant les sièges. « Tiens, quelle drôle d'idée d'avoir tout fermé » s'écria-t-il, surpris, hésitant. « On croirait entrer chez des morts !» Et, se tournant vers Madame de Berle qui s'avançait, « Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait courir ?» « Depuis ce matin, je cherche Perdiguet, vous savez, mon chanteur. Alors, comme je n'ai pu mettre la main sur lui, je vous amène le grand Morisot. » Le grand Morisot était un amateur qui récréait les salons en escamotant des muscades. On lui abandonna un guéridon, il exécuta ses plus jolis tours, mais sans passionner le moins du monde les spectateurs. Les pauvres chers petits étaient devenus très graves. Des bambins s'endormaient en suçant leurs doigts. D'autres, plus grands, tournaient la tête, souriaient aux parents, qui eux-mêmes bâillaient avec discrétion. Aussi fut-ce un soulagement général lorsque le grand Morisot se décida à emporter son guéridon. « Oh, il est très fort !» murmura Malignon dans le cou de Madame de Berle. Mais le rideau rouge s'était écarté de nouveau, et un spectacle magique avait mis debout tous les enfants. Sous la vive clarté de la lampe centrale et de deux candélabres à 10 branches, la salle à manger s'étendait, avec sa longue table, servie et parée, comme pour un grand dîner. Il y avait 50 couverts. Au milieu et aux deux bouts, dans des corbeilles basses, des buissons de fleurs s'épanouissaient, séparés par de hauts compotiers, sur lesquels s'entassaient des « surprises » dont les papiers dorés et peintures lurées luisaient. Puis, c'étaient des gâteaux montés, des pyramides de fruits glacés, des empilements de sandwichs, et, plus bas, toute une symétrie de nombreuses assiettes pleines de sucreries et de pâtisseries. Les babas, les choux à la crème, les brioches alternaient avec les biscuits secs, les croquignoles, les petits fours aux amandes. Des gelées tremblaient dans des vases de cristal. Des crèmes emplissaient des jattes de porcelaine, et les bouteilles de vin de champagne, hautes comme la main, faites à la taille des convives, allumaient autour de la table l'éclair de leurs casques d'argent. On eût dit un de ces goûters gigantesques, comme les enfants doivent en imaginer en rêve, un goûter servi avec la gravité d'un dîner de grandes personnes, l'évocation féerique de la table des parents, sur laquelle on aurait renversé la corne d'abondance des pâtissiers et des marchands de joujoux. « Allons, le bras aux dames !» dit Madame de Berle en souriant de l'extase des enfants. Mais le défilé ne put s'organiser. Lucien, triomphant, avait pris le bras de Jeanne et marchait le premier. Les autres derrière lui se bousculèrent un peu. Il fallut que les mamans vinssent les placer. Et elles restèrent là, surtout derrière les marmots qu'elles surveillaient par crainte des accidents. À la vérité, les convives parurent d'abord fort gênés. Ils se regardaient, ils n'osaient toucher à toutes ces bonnes choses, vaguement inquiets de ce monde renversé, les enfants à table et les parents debout. Enfin, les plus grands s'enhardirent et en voyèrent les mains. Puis, quand les mamans s'en mêlèrent, coupant les gâteaux montés, servant autour d'elles, le goûter s'anima et devint bientôt très bruyant. La belle symétrie de la table fut bousculée, comme par une rafale. Tout circulait à la fois, au milieu des bras tendus qui vidaient les plats au passage. Les deux petites Berthier, Blanche et Sophie, riaient à leurs assiettes où il y avait de tout, de la confiture, de la crème, des gâteaux, des fruits. Les cinq demoiselles Levasseur accaparaient un coin de friandise, tandis que Valentine, fière de ses 14 ans, faisait la dame raisonnable en s'occupant de ses voisins. Cependant, Lucien, pour montrer sa galanterie, déboucha une bouteille de champagne, et cela si maladroitement qu'il faillit en verser le contenu sur sa culotte de soie cerise. Ce fut une affaire. « Veux-tu bien laisser les bouteilles ?» criait Pauline. « C'est moi qui débouche le champagne. » Elle se donnait un mouvement extraordinaire, s'amusant pour son compte. Dès qu'un domestique arrivait, elle lui arrachait la chocolatière et prenait un plaisir extrême à emplir les tasses, avec une promptitude de garçon de café. Puis, elle promenait des glaces et des verres de sirop, lâchait tout pour bourrer quelques gamines qu'on oubliait, repartait en questionnant les uns et les autres. « Qu'est-ce que tu veux, toi, mon gros? Hein? Une brioche? Attends, ma chérie, je vais te passer les oranges. Mangez donc, grosse bête, vous jouerez après. » Madame de Berle, plus calme, répétait qu'on devait les laisser tranquilles et qu'ils s'en tireraient toujours bien. À un bout de la pièce, Hélène et quelques dames riaient du spectacle de la table. Tous ces museaux roses croquaient à belles dents blanches. Et rien n'était drôle comme leur manière d'enfant bien élevé, s'oubliant parfois dans des incartades de jeunes sauvages. Ils prenaient leur verre à deux mains pour boire jusqu'au fond, se barbouillaient, tachaient leur costume. Le tapage montait. On pillait les dernières assiettes. Jeanne elle-même dansait sur sa chaise en entendant jouer un quadrille dans le salon. Et comme sa mère avançait, lui reprochant d'avoir trop mangé, « Oh, maman, je suis si bien aujourd'hui !» Mais la musique avait fait lever d'autres enfants. Peu à peu, la table se dégarnit, et bientôt il ne resta plus qu'un gros bébé au beau milieu. Celui-là paraissait se moquer du piano. Une serviette au cou, le menton sur la nappe, tant il était petit. Il ouvrait des yeux énormes et avançait la bouche, chaque fois que sa mère lui présentait une cuillerée de chocolat. La tasse se vidait, il se laissait essuyer les lèvres, avalant toujours, ouvrant des yeux plus grands. « Fichtre, mon bonhomme, tu vas bien !» dit Malignon qui le regardait d'un air rêveur. Ce fut alors qu'il y eut un partage des surprises. Les enfants, en quittant la table, emportaient chacun une des grandes papillotes dorées dont ils se hâtaient de déchirer l'enveloppe. Et ils sortaient de là des joujoux, des coiffures grotesques en papier mince, des oiseaux et des papillons. Mais la grande joie, c'était les pétards. Chaque surprise contenait un pétard que les garçons tiraient bravement, heureux du bruit, tandis que les demoiselles fermaient les yeux en s'y reprenant à plusieurs fois. On entendit pendant un instant que le pétillement sec de cette mousqueterie, et ce fut au milieu du vacarme que les enfants retournèrent dans le salon, où le piano jouait sans arrêt des figures de quadrille. « Je mangerai bien une brioche, » murmura mademoiselle Aurélie en s'asseyant. Alors, devant la table restée libre, couverte encore de la débandade de ce dessert colossal, des dames s'installèrent. Elles étaient d'une dizaine qui avaient prudemment attendu pour manger. Comme elles ne pouvaient mettre la main sur un domestique, ce fut Malignon qui s'empressa. Il vida la chocolatière, consulta le fond des bouteilles, parvint même à trouver des glaces. Mais, tout en se montrant galant, il en revenait toujours à la singulière idée qu'on avait eue de fermer les persiennes. « Positivement, » répétait-il, « on est dans un caveau. » Hélène était restée debout, causant avec Madame de Berle. Celle-ci retournait au salon et elle se disposait à la suivre, lorsqu'elle se sentit touchée doucement. Le docteur souriait derrière elle. Il ne la quittait pas. Vous ne prenez donc rien ? Demanda-t-il. Et sous cette phrase banale, il mettait une supplication si vive qu'elle éprouva un grand trouble. Elle entendait bien qu'il lui parlait d'autre chose. Une excitation la gagnait peu à peu elle-même, dans cette gaieté qui l'entourait. Tout ce petit monde, sautant et criant, lui donnait de la fièvre. Les joues roses, les yeux brillants, elle refusa d'abord. « Non, merci, rien du tout. » Puis, comme il insistait, prise d'une inquiétude, voulant se débarrasser de lui, « Eh bien, une tasse de thé. » Il courut, rapporta la tasse. Ses mains tremblaient en la présentant. Et pendant qu'elle buvait, il s'approcha d'elle, les lèvres gonflées et frémissantes de l'aveu qui montait de son cœur. Alors elle recula, lui tendit la tasse vide et se sauva pendant qu'il la posait sur un dressoir, le laissant seul dans la salle à manger, avec Mademoiselle Aurélie, en train de mâcher lentement et d'inspecter les assiettes d'une façon méthodique. Le piano jouait très fort au fond du salon, et d'un bout à l'autre, le bal s'agitait dans une drôlerie adorable. On faisait cercle autour du quadrille où dansaient Jeanne et Lucien. Le petit marquis brouillait un peu les figures. Il n'allait bien que lorsqu'il lui fallait empoigner Jeanne. Alors il la prenait à bras-le-corps et il tournait. Jeanne se balançait comme une dame, ennuyée de le voir chiffonner son costume. Puis, emportée par le plaisir, elle le saisissait à son tour, l'enlevait du sol. Et l'habit de satin blanc broché de bouquets se mêlait à la robe brodée de fleurs et d'oiseaux bizarres. Les deux figurines de vieux Saxe prenaient la grâce et l'étrangeté d'un bibelot d'étagère. Après le quadrille, Hélène appela Jeanne pour rattacher sa robe. « C'est lui, maman, » disait la petite. « Il me frotte, il est insupportable. » Autour du salon, les parents souriaient. Quand le piano recommença, tous les bambins se remirent à sauter. Ils éprouvaient une méfiance, pourtant, en voyant qu'on les regardait. Ils restaient sérieux et se retenaient de gambader pour paraître comme il faut. Quelques-uns savaient danser. La plupart, ignorant les figures, se remuaient sur place, embarrassés de leurs membres. Mais Pauline intervint. « Il faut que je m'en mêle. Oh, les cruches !» Elle se jeta au milieu du quadrille, en prit deux par les mains, l'un à gauche, l'autre à droite, et donna un tel branle à la danse que les lames du parquet craquèrent. On n'entendait plus que la débandade des petits pieds tapant du salon à contre-temps, tandis que le piano continuait tout seul à jouer en mesure. D'autres grandes personnes s'en mêlèrent aussi. Madame de Berle et Hélène, apercevant des filles honteuses qui n'osaient se risquer, les emmenèrent au plus épais. Elles conduisaient les figures, poussaient les cavaliers, formaient les rondes. Et les mères leur passaient les tout petits bébés pour qu'elles les fissent sauter un instant en les tenant des deux mains. Alors, le bal fut dans son beau. Les danseurs s'en donnaient à cœur joie, riant et se poussant, pareils à un pensionnat pris tout d'un coup d'une folie joyeuse en l'absence du maître. Et rien n'était d'une gaieté plus claire que ce carnaval de gamins, ces bouts d'hommes et de femmes qui mélangeaient là, dans un monde en raccourci, les modes de tous les peuples, les fantaisies du roman et du théâtre. Les costumes empruntaient aux bouches roses et aux yeux bleus, à ces mines si tendres, une fraîcheur d'enfance. On aurait dit le gala d'un conte de fées, avec des amours déguisés pour les fiançailles de quelques princes charmants. « On étouffe !» disait Malignan. « Je vais respirer. » Il sortait, ouvrant la porte du salon toute grande. Le plein jour de la rue entrait alors en un coup de lumière blafard et qui attristait le resplendissement des lampes et des bougies. Et tous les quarts d'heure, Malignan faisait battre la porte. Mais le piano ne s'arrêtait pas. La petite Guiraud, avec son papillon noir d'Alsacienne sur ses cheveux blonds, dansait au bras d'un arlequin deux fois plus grand qu'elle. Un Écossais faisait tourner si rapidement Marguerite Tissot qu'elle perdait en chemin sa boîte de laitière. Les deux Berthier, Blanche et Sophie, qui étaient inséparables, sautaient ensemble, la soubrette au bras de la folie dont les grelots tintaient. et l'on ne pouvait pas jeter un coup d'œil sur le bal sans rencontrer une demoiselle Levasseur. Les chaperons rouges semblaient se multiplier. Il y avait partout des toquets et des robes de satin ponceau à bandes de velours noir. Cependant, pour danser à l'aise, de grands garçons et de grandes filles s'étaient réfugiés au fond de l'autre salon. Valentine de Chermette, enveloppée dans sa mantille d'espagnole, faisait là des pas savants en face d'un jeune monsieur qui était venu en habit. Tout d'un coup, il y eut des rires. On appela le monde pour voir. C'était, derrière une porte, dans un coin, le petit Guiraud, le Pierrot de 2 ans, et une petite fille de son âge, habillée en paysanne, qui se tenait embrassée, se serrant bien fort de peur de tomber, et tournant tout seul, comme des sournois, la joue contre la joue. « Je n'en puis plus !» dit Hélène en venant s'adosser à la porte de la salle à manger. Elle s'éventait, rouge d'avoir sauté elle-même. Sa poitrine se soulevait sous la grenadine transparente de son corsage. Et elle sentit encore sur ses épaules le souffle d'Henri, qui était toujours là, derrière elle. Alors, elle comprit qu'il allait parler. Mais elle n'avait plus la force d'échapper à son aveu. Il s'approcha. Il dit très bas, dans sa chevelure, « Je vous aime. Oh, je vous aime. » Ce fut comme une haleine embrasée qui la brûla de la tête aux pieds. Mon Dieu, il avait parlé. Elle ne pourrait plus feindre la paix si douce de l'ignorance. Elle cacha son visage empourpré derrière son éventail. Les enfants, dans l'emportement des derniers quadrilles, tapaient plus fort des talons. Des rires argentins sonnaient. Des voix d'oiseaux laissaient échapper de légers cris de plaisir. Une fraîcheur montait de cette ronde d'innocents lâchés dans un galop de petits démons. « Je vous aime. Oh, je vous aime. » répéta Henri. Elle frissonna encore. Elle voulait ne plus entendre. La tête perdue, elle se réfugia dans la salle à manger. Mais cette pièce était vide. Seul Monsieur le Tellier dormait paisiblement sur une chaise. Henri l'avait suivi. Il osa lui prendre les poignets au risque d'un scandale. Avec un visage si bouleversé par la passion qu'elle en tremblait, il répétait toujours « Je vous aime. Je vous aime. « Laissez-moi » murmura-t-elle faiblement. « Laissez-moi, vous êtes fou !» Et ce bal à côté qui continuait avec la débandade des petits pieds. On entendait les grelots de Blanche Berthier accompagnant les notes étouffées du piano. Madame de Berle et Pauline frappaient dans leurs mains pour marquer la mesure. C'était une polka. Hélène put voir Jeanne et Lucien passer en souriant, les mains à la taille. Alors, d'un mouvement brusque, elle se dégagea. Elle se sauva dans une pièce voisine, une office où entrait le grand jour. Cette clarté soudaine l'aveugla. Elle eut peur. Elle était hors d'état de rentrer dans le salon, avec cette passion qu'on devait lire sur son visage. Et, traversant le jardin, elle monta se remettre chez elle, poursuivie par les bruits dansants du bal.